On continue dans l'aspect française avec Sonopfer et Deadfuck, une doublette qui nous vient du centre centre-est de la France. Sonopfer, du black médiéval hyper inspiré, une sortie d'Ebemur Morty Production, un one-man band qui nous sort donc son nouvel effort studio. Nous sommes d'ailleurs, d'hier, pardon, oh là là. Je suis d'ailleurs fatigué et du coup je me plante complètement. Quatrième effort studio longue durée pour Sonopfer. Un album toujours aussi généreux, hein, qui avoisine l'heure de musique. En doublette, rien à voir, Deadfuck, ça nous vient de Lyon, du grindcore, Death Grindcore, deuxième effort studio qui vient de voir le jour, 12 titres pour une vingtaine de minutes, ça situe l'intensité, ça va chercher dans des références à la Jiga Inezum, et vers même du côté de Devourment en termes de recherche de Death, Brutal Death. Voilà pour les présentations de la doublette à venir. Sonopfer DSFR, le titre qu'on va s'écouter tout de suite, Deadfuck ensuite, la doublette Genèse et Apoptose, extrait d'album Valeur Chère. C'est parti! La doublette à venir pour clôturer l'aspect française de ce soir, c'est une doublette quimoche. Oh putain, qu'est-ce que j'ai honte d'avoir dit ça. Avec donc dans cette doublette quiboche tout d'abord, voilà, en plus juste autour de leur passage sur la scène du Canadian en compagnie de Coldron, l'occasion également d'illustrer la sortie de leur nouvelle EP cet été, It All Feels Like Knives, voilà, qui bah, que l'on vous diffuse tranquillou. Melted Snow, Sandy Oil, le titre de ce soir. En doublette, on se réécoute un petit titre de Sick Nerves parce que leur EP il est vraiment ultra lourd. Hell on Earth, extrait de l'EP, donc No Love Lost. Quand on aime, on ne compte pas, même quand c'est des pains dans la gueule. C'est parti. Repeat the end in the back. Retour à la diff internationale avec une autre nouveauté dans l'émission de ce soir. Tabahi, tout d'abord, c'est une récente formation. Alors, récente formation qui accuse quand même 15 ans d'expérience, hein, qu'est-ce que je raconte. C'est un groupe qui nous vient de la ville de Karachi, au Pakistan. C'est vraiment très très rare qu'on ait l'occasion de diffuser des groupes de métal qui nous viennent de ces contrées-là. Le groupe a sorti un premier EP en 2012, le premier album a vu ensuite en 2014, et... plus grand chose ne s'est passé ensuite, hein, avant voilà, des titres qui ont popé l'année dernière. Et le deuxième album longue durée vient tout juste de sortir, 10 titres pour 27 minutes. C'est hyper expéditif, hein, bon, en même temps c'est un trash qui rigole zéro. D'inspiration plutôt old school, hein, ça va chercher dans les gros morceaux du trash Rickin, Slayer, Testament, etc. Et à la fois des formations plus contemporaines, toujours américaines, hein, Warbringer et autres Avok. C'est efficace au niveau musical, bien évidemment c'est hyper engagé dans les textes. Voilà, c'est hyper hargneux, c'est hyper intense musicalement. C'est un duo de base, guitariste, bassiste, vocaliste, avec un batteur qui fait des sessions live. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que sur album, par contre, c'est une batterie programmée. Ça gâche un petit peu par rapport à l'intensité de la musique que nous propose le groupe. Mythos avec eux, là on est sur une formation algérienne qui nous vient d'Alexandrie, active depuis quelques années. Un EP a vu le jour il y a quelques temps, et là ils sortent un premier véritable album studio. Du death avec une approche assez moderne, hein, qui va parfois chercher dans le deathcore et le groove metal. Et pardon, c'est pas un album, c'est un EP, 6 compos pour une trentaine de minutes. Ça cogne, et c'est plutôt généreux, avec quelques petites réhausses d'inspiration orientale. Tabahi, le titre Politrix, extrait d'album Trash for Justice. Voilà, on ne peut pas faire plus clair dans le titre de l'album. A noter que c'est une petite avant-première, ça verra le jour... non, pas du tout, ça verra pas le jour le 6 novembre, ça verra le jour le 6 octobre. Décidément, j'ai les yeux qui fourchent. Mythos, The Glorious Love of Kemet, extrait d'album Battle of Megiddo. C'est parti. Out of the abyss, masses beyond any bay. Reveal, La doublette à venir accueille une nouvelle nouveauté dans l'émission de ce soir. C'est d'ailleurs la dernière des nouveautés pour aujourd'hui. Membrane, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette nouvelle formation ? Ça nous vient de Pologne. On est sur du black assez traditionnel polonais parce que oui, la scène polonaise a également sa propre patte en termes d'inspiration, de sonorité. Au niveau des Icos, on a plusieurs membres de Blaze of Perdition, un groupe qu'on vous a déjà diffusé, un groupe un peu plus ancien et plutôt hypé depuis quelques temps parce que ça reste ultra efficace. Membrane, pour sa part, est actif depuis 2017. Ils viennent de sortir là leur second album studio. On est sur donc du black polonais, vraiment dans le style, dans la veine d'un Mgła. Les titres sont chantés en polonais, ce qui rajoute encore à l'ambiance intense et hypnotique. Les morceaux sont plutôt généreux, 6 à 8 minutes. C'est vraiment bien chiadé et donc c'est un nouveau nom à suivre de très près. En doublette, nous aurons les Allemands de Chever, changement radical de style, même si géographiquement on n'est pas très loin, parce que là la formation nous vient de Leipzig. Actifs depuis 2016, ils sortent là leur second album studio. On est sur du Blacknet crusty hardcore, c'est bien colérique, et on va chercher dans un style assez proche de leur compatriote de Anst. Voilà, de manière très, très violente de mêler le hardcore et le metal extrême, ça dégouline de haine et de rage, c'est hyper expéditif, sans non plus que les types soient vraiment rabotés à la sauce grindcore. Chever, Piakin Yamakciet, ouais, mon polonais n'est pas hyper bon. Interregnum, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Chever, Everlasting Grief, extrait de l'album Of Gloom. C'est parti. Allez, dernière doublette dans l'émission de ce soir, mais restez après parce qu'on va se faire un petit plaisir musical. On va se réécouter tout d'abord un titre de Rebellion, le power trio Death Brutal Death qui nous vient du Brésil, hein, forcément dans la veine, le sang de la veine de Christian. On a déjà fait les présentations tout à l'heure. Et juste avant Rebellion, pardon, on va s'écouter un titre du dernier album de Bloodhouse. C'est un groupe qui nous vient du Chili, actif depuis 2015. Ils viennent de sortir là leur premier véritable album. On est sur un death bien old school, hein, ce qui nous fait une bonne doublette avec Rebellion. Un bon mélange brutal death sud-américain, avec un death un peu plus tech, mais vraiment old school à la sauce athéiste et death. Voilà, une basse fretless particulièrement mise en avant sur ce nouvel effort studio de Bloodhouse. Lost in an Eternal Silence, on s'écoutera l'utiliser Sacrifice, Rebellion, Antagonize, extrait donc de l'album Under the Sign of Rebellion. C'est parti et revenez après. Allez, hop, Just for Fun, puisque bah, tout simplement le week-end prochain, samedi, au 37e parallèle, Ayokan Foundation, une sous-branche de Hop Garden, nous propose une petite sauterie à base de death metal, particulièrement Tourangeau, d'ailleurs, ces groupes de death metal. On retrouvera Slave One, bon, c'est des Orléanais, tant pis pour eux. Scumbags, groupe de death slam death qui nous vient de Tours. AO, groupe de Modern Death à la sauce Gojira Lamb of God. On a qui après 1, 2, 3, 4. Dragvald, groupe de Pipo Death Metal qui nous vient de Tours, hein, le groupe de Viking Melodeath. Et pour clôturer la soirée, Chronos, le monstrueux groupe de Brutal Death français qui a fait son retour de manière plutôt triomphante il y a quelques semaines. Et voilà, de l'album Titan's Awakening qui date de 2001 avec le tubissime Mashkit. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dans la bagarre samedi prochain et pour une nouvelle émission le dimanche 5 novembre. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Ciao, ciao.